L'épistaxis, c'est une hémorragie extériorisée par les fosses nasales. Les communément appelés enseignements donnés d'après le spécialiste en otorhino-laryngologie, Dr Tadendaishi Miye. Il nous dit ici le mécanisme par lequel se fait ce saignement. De façon générale, il y a à la base une altération vasculaire favorisée par différents facteurs. D'abord, il y a la richesse vasculaire de cette région. Ensuite, il y a la muqueuse qui est très fragile parce qu'elle adhère étroitement au cartilage sous-jacent et ce qui lui confère très peu de résistance aux agressions, qu'elles soient mécaniques ou fonctionnelles. En fait, il y a les vaisseaux de ces fosses nasales qui n'ont pas assez de fibres élastiques et donc qui sont moins distensibles. Il y a deux points qui saignent le plus souvent. Il y a ce que l'on appelle la tache vasculaire située à la partie antéro-inférieure de la cloison nasale qui est un lieu de rencontre des terminaisons des artères qui vascularisent les fosses nasales. Il y a aussi une zone postéro-supérieure de la paroi externe des fosses nasales au niveau de l'émergence d'une de ces artères. C'est une zone qui est très fragile. Bien qu'il est difficile de localiser exactement d'où provient ce sang, l'on peut toujours chercher l'origine de ce saignement ou tout au moins arrêter cet écoulement de sang. La première chose, c'est voir les circonstances de découverte. Et c'est suite à un traumatisme ou alors c'est au cours d'un rhume. Est-ce chez quelqu'un avec une allergie nasosinusienne ou une hypertension artérielle? Est-ce que c'est chez quelqu'un qui prend des médicaments pour une maladie autre, chronique? Mais pendant que vous cherchez les circonstances, en même temps, il faut essayer d'arrêter le saignement par les moyens dont vous disposez. Il faut que le patient se mouche pour éviter la formation des cailloux. Il faut pincer le nez au doigt. Il faut appliquer des vasoconstricteurs locaux dans les fosses nasales. Il faut donner des médicaments utiles pour favoriser l'arrêt du saignement. Il faut mettre un tampon dans les fosses nasales. Tout saignement ne doit toujours pas s'extérioriser, d'après toujours le docteur Tadendaishi Miye, étant donné que même les causes sont multiples. L'épistaxis peut être déglouti chez un sujet couché sur le dos. Et donc, dans ce cas, la personne peut vomir et on risque de croire qu'il s'agit d'une hémorragie digestive. Donc, c'est conseillé plutôt de se pencher en avant et de se moucher pour éviter cet incident. Et les causes donc sont multiples. Elles peuvent être locales et intranasales en cas d'infection, d'une inflammation, des maladies vasculaires héréditaires, d'une tumeur bénigne maligne, d'un traumatisme ou d'un geste médical comme une intubation. Mais ils peuvent aussi être en cas de maladie infectieuse, par exemple, ou d'une hypertension artérielle, d'une maladie hémorragique, des troubles de l'hémostase, des troubles de la coagulation. Et il y a aussi les troubles endocriniens, mais malheureusement, dans pas mal de cas, on ne trouve pas de cause. Les personnes adultes, tout comme les enfants, peuvent connaître ce problème de saignement nasal. Devant toute personne qui saigne à l'âge adulte, surtout au sexe masculin, il faut chercher à voir s'il n'y a pas d'hypertension artérielle. Par contre, chez les jeunes filles qui sont à l'âge de la puberté, il faut plutôt craindre un problème banal. Mais la plupart des fois, ces gens saignent au cours des menstruations aussi. Il y en a aussi qui saignent au cours de la grossesse. L'épistaxis peut être le signe révélateur d'une maladie. Donc, l'arrêt du saignement ne signifie en aucun cas que la personne est guérie.